Tu dis que tu veux faut pas écrire, yeah yeah. Car si tu regardes mes traits, yeah yeah. Tu dis que tu veux faut pas écrire, yeah yeah. Sous feeling bad high fun, yeah yeah. Ach, ist schon gerade mit deinem Ohr.